Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Bien évidemment, ce matin, nous sommes choqués par les événements qui ont eu lieu hier soir à Strasbourg. Toutes nos pensées vont vers nos voisins alsaciens. On va essayer de passer un petit moment agréable, une petite demi-heure ensemble, à parler, comme d'habitude, des prénoms, des anniversaires et de l'actualité notamment sportive. Allez, on commence en ce 12 décembre en souhaitant une bonne fête aux Corentins. Ça vient du celte signifiant ami. Corentin, un nombre actif 44 qui le rend particulièrement strict, viril et empreint de magnétisme. Néanmoins, tout en étant brusque, énergique, impatient et combatif, il est aussi capable de gentillesse, de tendresse et de savoir-faire, notamment lorsqu'il veut faire plaisir ou séduire ou lorsque son intérêt l'y pousse. Il y a en fait chez lui une dualité qui est déconcertante. Ainsi, le verra-t-on habituellement gentil, affable, prévenant, courtois et serviable, puis tout à coup énervé et hors de lui. Ce sera pour défendre quelqu'un ou parce qu'il aura été critiqué à tort. Il est allergique à toute forme d'injustice. Exigeant et perfectionniste, il pardonne mal le manque de respect à la parole donnée, la malhonnêteté et la méchanceté. Dicton du jour, à la Saint-Corentin, le plein hiver glace le chemin. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée internationale de la neutralité visant à promouvoir la diplomatie préventive, journée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2017. Journée également de la couverture sanitaire universelle adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2017 également. Au Kenya, c'est la fête nationale célébrant l'indépendance. Et en Suisse, c'est l'escalade. C'est une fête genevoise. Et ça s'est passé un 12 décembre en 1897. C'était la première publication dans le New York Journal de Pim Pam et Poum, série de bandes dessinées possédant le record absolu de longévité. Et en 1963, le Kenya devenait indépendant. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec la chanteuse Dionne Warwick et un titre pour lequel elle est notamment connue, I Say a Little Prayer. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart. For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. la chanteuse Dionne Warwick sur RGM. Il est pile 8h36, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 12 décembre 1933, naissance de Manu Dibango, chanteur et musicien camerounais. On écoute tout de suite un extrait de son titre « Soul Makossa ». Voilà pour l'extrait donc de Manu Dibango. On continue. 1940, naissance de Dionne Warwick, chanteuse américaine. 1949, naissance de Bill Nighy, acteur britannique, vu dans Love Actually dans le rôle de Billy Mac, Underworld 1, 2 et 3 dans le rôle de Victor, dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde dans le rôle de Davy Jones, dans Valkyrie, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie dans le rôle de Rufus Gringour, vu également dans La Colère des Titans dans le rôle d'Héphaïstos ou encore Total Recall, mémoire programmée. 1958, naissance de Shiri Julianne Wilson, actrice américaine connue pour son rôle d'April Steven Sewing dans la série Dallas et surtout son rôle d'Alexandra Kyle dans la série Walker Texas Ranger. 1970, naissance de Jennifer Connelly, actrice américaine vue dans Les Hommes de l'Ombre, Requiem for a Dream dans le rôle de Marion Silver, Un homme d'exception dans le rôle d'Alicia Nash, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Ce que pensent les hommes dans le rôle de Janine, Noé, et elle sera à l'affiche de Top Gun Maverick, hein, sorti très prochainement. On parle de 2019, voire 2020. 1982, naissance de Dimitri Toursounov, ancien joueur de tennis russe ayant fait carrière de 2000 à 2017 en simple. Il a été 20e mondial, c'est son meilleur classement ATP. Il a été 8e de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à l'Open d'Australie Roland Garros ainsi qu'à l'US Open. Il a remporté une Coupe Davis avec la Russie ainsi qu'une Hopman Cup. 1984, naissance de Steve Missillier, skieur alpin français qui aux Jeux Olympiques de 2014 à Sochi a remporté une médaille d'argent en slalom géant. 1989, naissance de Tal, chanteuse franco-israélienne. 1995, naissance de Manon Barbaza, pentathlonienne française, médaillée de bronze par équipe au championnat d'Europe de pentathlon moderne en 2018. 1996, naissance de Marwa Loud, chanteuse française. En 1939, décédé Douglas Fairbanks, acteur américain, célèbre pour ses rôles dans des films de cape et d'épée muets comme Le Signe de Zorro, Les Trois Mousquetaires, Robin des Bois ou encore Le Voleur de Bagdad. En 1985, décédé Anne Baxter, actrice américaine, vue dans le Fil du rasoir dans le rôle de Sophie Nelson MacDonald, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, connue également pour son rôle de Nefertari dans le film Les Dix Commandements et vue aussi dans La Ruée vers l'Ouest. En 2001, décédé Jean Richard, comédien français, également homme de cirque, vu en 1962 dans La Guerre des Boutons d'Yves Robert où il jouait le rôle du père Lebrac et on le connaissait bien évidemment pour son rôle du commissaire Jules Maigret dans les séries Les Enquêtes du Commissaire Maigret. En 2005, décédée Annette Vanim, actrice danoise, vue dans Les Liaisons Dangereuses 1960, dans le rôle de Marianne Tourvel, ou encore Et Mourir de Plaisir. Et en 2006, décédé Peter Boyle, acteur américain, vu dans Taxi Driver, dans le rôle de Sorcier, dans Malcolm X, dans le rôle du Capitaine Green, dans Super Noël, dans le rôle de Whittle, dans Docteur Dolittle, et à la télé, dans Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman, ou encore X-Files. Allez, avant de marquer une pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma. Un film dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps maintenant, c'est le film Rémi sans famille, film d'aventure familiale d'Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Malôme Paquin ou encore Virginie Ledoyen. Autre film, autre ambiance, hein, action thriller Hunter Killer de Donovan Marsh avec Gérard Butler, Gary Oldman ou encore Common. Autre film, autre ambiance également, cette fois-ci c'est

Ce sera du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin, pardon, et entre 1 et 2 degrés prévus pour demain après-midi et vendredi, soleil et nuages, des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés le matin, entre moins 1 et 0 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le football et les résultats de la Ligue des Champions. Monaco s'est incliné 2-0 face à Dortmund. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 face au Red Star Belgrade. Le PSG est donc qualifié pour les huitièmes de finale. L'Atlético Madrid a fait match nul à Bruges, 0-0. Et le FC Barcelone et Tottenham ont fait match nul, 1-0. Ce soir, Lyon affronte le Shakhtar Donetsk. Lyon qui peut encore se qualifier pour la suite de la compétition. S'ils viennent à s'imposer. Et dans le même groupe, il y aura Manchester City face à Hoffenheim. On pourra également retrouver l'Ajax d'Amsterdam face au Bayern Munich. Le Real Madrid opposé au CSKA Moscou. Valencia qui reçoit Manchester United. Et la Juventus de Turin qui se déplace pour affronter les Young Boys. Et on connaît la composition du groupe pour l'équipe de France Espoir pour l'éliminatoire de l'Euro 2021. Oui, c'est dans 3 ans. Mais on connaît déjà le groupe de l'équipe de France. Donc les Français seront en compagnie de la Slovaquie, de la Suisse, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et du Liechtenstein. Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe de Phoenix d'Okobo s'est inclinée face aux Spurs de San Antonio 111-86. À noter que le Français n'a pas joué dans ce match. Un mot de hockey sur gazon puisque cet après-midi à 14h30 a lieu le quart de finale pour l'équipe de France face à l'Australie. Tous derrière les bleus. Et bleu, mais cette fois-ci, c'est du handball féminin avec l'Euro. Et ce soir, la France qui affronte la Serbie. Les Françaises qui peuvent se qualifier pour les demi-finales ce soir. Et donc, c'est tout pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. On va marquer tout de suite une dernière pause musicale avec la chanteuse Marwa Loud et son titre « Fallait pas ». Sans son phone. Tout le monde la connaît dans le barrio. Elle tombe plus qu'un tube à la radio. Elle veut pas habiter dans ton studio. Toi, tu pèses pas lourd, t'es pas proprio. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. T'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Y'a que le barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre il n'en reste que T'allais tout donner mais fallait. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Fallait pas tout donner. Sois pas étonné. Elle t'a tout volé. Ton ego, ton cœur, ton porte-monnaie. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. T'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Y'a que le barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre il n'en reste qu'à T'allais tout donner. Mais fallait piqué gros, t'allais tout donner, mais fallait pas la laisser te piquer. Fallait pas tout donner. Fallait pas la laisser te piquer. Ne volait pas. Fallait pas tout donner. Que ça allait pas. Tout le monde la connaît. Tout le monde te connaît. Ils t'ont tous abandonné. Ils veulent plus de toi ici, laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talons. mais ça suffit plus. Maintenant ce qu'ils souhaitent c'est que du malheur. Fallait pas, Marwa Loud sur RGM, presque 8h52, c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors à 9h, ce sera Regard d'ailleurs, 10h les ados avec les émeutes Saint-Amé, 13h30 la rediffusion de la chronique d'Amadou, à 18h l'heure des loups avec Lou qui reçoit duel Palma Pop, suivi à 19h de ce qu'il faut savoir avec Antoine, suivi à 20h de Nothing But The Blues. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.